Section 29 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Narrateur, lu par Sonia. Jacques, lu par Rémi. Blandine de Nanterre, lu par Christiane Jeanne. Pierre de Sangène, lu par Margot. La lecture, tome 3e, section 29. Une perle, par Gip. 1. Au bal, Jacques, valsant avec Mademoiselle Blandine de Nanterre. Elle est grande, svelte, majestueuse. Profil régulier, maintien sérieux, yeux baissés, cheveux bruns, bandeau à la Vierge et corsage, idem. Jacques, s'arrêtant. Vous aimez beaucoup la valse, mademoiselle. Non, monsieur. Jacques, surpris. Ah, c'est très singulier. D'abord, vous valsez à merveille, et l'on aime tout ce que l'on fait très bien. Et puis, toutes les jeunes filles aiment la valse. J'ai été élevée si sérieusement, je sors si peu. Vous le regrettez? Oh, pas du tout. Je ne désire pas sortir. Le monde m'ennuie. Est-ce possible? Vivre chez moi, au milieu de mes livres, de mes pinceaux, est ce qui me plaît le plus. Jacques, à part. Un peu prétentieux, les pinceaux. Mais c'est égal. Une femme comme ça, ça doit être bien commode. Oh! Aimez-vous les exercices, mademoiselle? Vous devez patiner, nager, monter à cheval, aussi bien que vous valsez. À part. Je suis stupide, mais il faut bien tâter, comme dit grand-mère. Je ne sais pas patiner, monsieur. J'ai appris à nager et à monter à cheval, mais je n'aime aucune distraction bruyante. Une vie calme et un peu recueillie est ce que je préfère. C'est d'ailleurs à peu près celle que je mène, pas autant que je le souhaiterais, cependant. Pourtant, vous n'êtes pas triste. Oh non, monsieur. Souriant doucement. Je suis très gaie. Ne peut-on être gaie sans pour cela être mondaine? Si, si, mademoiselle, je crois bien qu'on peut l'être. À part. Ah, mais c'est un trésor que cette jeune fille. Et dire qu'il y a peut-être des quantités d'anges comme celui-là dont on ne soupçonne pas l'existence. Suivant son idée. Alors, vous ne montez jamais à cheval? Si, monsieur, je monte, en été, quand nous sommes à la campagne. C'est comme moi, je ne monte qu'à la campagne. Je déteste monter à Paris. Radieux. Eh, vous passez les étés à la campagne. Oui, monsieur. Et cela ne vous ennuie pas? Mais non, au contraire. Je peins, je lis, je travaille bien plus librement qu'à Paris. Ah, tant mieux. À part. Je ne sais plus ce que je dis, moi. C'est qu'elle est superbe. Le profil d'un Harry Schaeffer. Et les chairs d'un Rubens. Et elle aime la campagne. Et elle n'aime pas le monde. Mais elle a été créée pour moi, cet enfant-là. Quels yeux! Ils ont beau être baissés, ils me produisent un drôle d'effet, avec leurs cils invraisemblables qui chatouillent les joues roses. Oh! Vous devez avoir beaucoup d'amis, mademoiselle. Très peu, monsieur. Je ne me lis pas facilement. J'ai une cousine que je vois souvent. Vous avez aussi des cousins, probablement. J'en ai, mais je les vois rarement. Ils sont très occupés. Par exemple, j'ai des petits-neveux que je vois tous les jours. J'adore les enfants. Vous avez raison, mademoiselle. N'est-ce pas? C'est si gentil, si gracieux, si intéressant. Je ne connais rien de plus attrayant. Mon plus grand plaisir est de m'occuper des enfants de ma sœur. Madame, votre sœur a plusieurs enfants? Elle en a 6. Des bébés admirables. Parfois, elle nous les laisse quelques jours quand elle va avec son mari chez les princes. Monsieur votre oncle va souvent aussi près des princes, je crois. Oh oui, très souvent. Il est toujours beau de se dévouer. Voulez-vous que nous valsions, mademoiselle? Oui, monsieur. Il se lance dans le tourbillon. Jacques, ému, serrant sa danseuse un peu plus qu'il n'est de bon ton de le faire. Quelle candeur! Et quelle fermeté! La passion des enfants! Une sœur qui en a 6, énorme! Pas de parents, pas d'amis, et pas de cousins? Décidément, grand-mère avait raison, c'est une perle. 2. Une heure plus tard, Jacques, adossé à une porte, couvant des yeux Mademoiselle Blandine de Nanterre, qui valse avec son cousin, Pierre de Sangène. C'est bizarre. Il me semble qu'elle est tout autre qu'avec moi. Elle paraît bien plus gaie. Je viens de demander qui est ce monsieur. Madame d'Égide m'a répondu que c'était son cousin. Son cousin ? Pourquoi m'a-t-elle dit que tous ses cousins étaient occupés ? Ah, après ça, il est vrai qu'à cette heure-ci... Il tire sa montre. 3 heures ? Je devrais être parti. Ah, il s'arrête contre la serre. Si j'écoutais un peu leur conversation. Ce n'est peut-être pas très délicat, mais ma foi, ça m'est bien permis. Il se glisse derrière eux et se cache dans le feuillage. Pierre de Sangène à Blandine de Nanterre. Sais-tu que tu es superbe ce soir ? Parbleu, oui, je le sais, on me l'a assez dit. C'est drôle, il me semble que ta physionomie n'est pas la même aujourd'hui. On dirait que tu as quelque chose qui te change. Qu'est-ce donc ? Tu ne vois pas ? Ce sont mes bandeaux plats. Tiens, oui, pourquoi diable es-tu coiffée comme ça ? Est-ce que ça ne me va pas ? Tout te va, mais je t'aime mieux comme à l'ordinaire, en chien fou. Moi aussi, mais c'est à cause du duc. Il paraît qu'il aime les bandeaux à la Vierge, le duc. Ah, ça, c'est donc sérieux cette plaisanterie-là. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Qui est-ce qui vous a fourré cette idée saugrenue en tête ? Le père de Montjabeau est venu raconter à ma tante que la vieille duchesse voulait absolument marier son petit-fils à une belle fille, bien portante, qui put avoir de beaux enfants. Il avait pensé à moi tout de suite. Voyez-vous, c'est jésuite. Et malgré la condition des enfants, qui d'ailleurs n'engage à rien, j'ai trouvé que c'était fort bien. Il n'est pas laid, il est très riche. Oh, pas tant qu'on le croit. Je sais bien qu'il a ratiboisé pas mal d'argent aux courses et... ailleurs. Mais la vieille casque dur pour le marier. Le père de Montjabeau croit qu'elle donne 100 000 francs de rente, ce qui, joint aux 80 000 francs qui restent et au titre de duc, représente un parti sortable pour moi. Fichtre, je crois bien. Tu as 40 000 francs de dot. C'est chic à la grand-mère de donner ça. C'est une bonne grand-mère. Dame, elle aime mieux s'exécuter de bonne grâce que de voir son descendant souhaiter sa mort. « Dis donc, ne sois pas en retard demain pour aller au poteau. Et amène ton ami, Paul. Il est drôle. Je le gobe tout à fait, moi. Tu peux lui dire ça de ma part. »« Pas la peine, va. Il s'en est bien aperçu. »« Ah ? Et quel effet ça lui fait-il ? » ?»« Pas désagréable. Sois-en sûr. Dis donc, est-ce qu'il est amusant, le duc ?»« Oh non. Il m'a questionné adroitement sur mes goûts, mes habitudes. » Je la lui ai faite à la jeune fille bien élevée qui ne patine pas, ne nage pas, ne flirte pas. Toi qui nages comme un requin. Qui ne monte pas à cheval, excepté à la campagne. Et si nous tombons dessus un de ces matins ? Pas de danger, il ne monte jamais à Paris. Il m'écoutait d'un air enchanté. Mais où il s'est dilaté, c'est quand je lui ai dit que j'adorais les enfants. Tu lui as dit ça, toi ? Qu'il les a en horreur ? Qu'est-ce que ça fait ? Si je deviens la femme de ce monsieur embêtant, ce que je désire vivement, du reste, tu viendras me voir souvent, hein ? J'aurai besoin de distraction. Pourquoi désires-tu l'épouser, si tu as ces idées-là ? Parce que c'est trop beau pour le rater. Duchesse de X ? Mon oncle dit qu'il avait un ancêtre, à Roncevaux. C'est très chic d'avoir eu un ancêtre, à Roncevaux. Ça vous a un galbe. Tu ne trouves pas, dis ? Si, pour ceux qui savent ce que c'est. Mais enfin, ça ne me déciderait pas. Et puis d'ailleurs, mon oncle et ma tante sont pressés de se débarrasser de moi. Je gêne ma tante, moi, parce que, quand nous avons passé 2 heures chez les jésuites, je suis prise de bâillement. Ça l'empêche d'y rester toute la journée. Quant à mon oncle, il est gêné aussi depuis le jour où j'ai découvert que ses voyages chez les princes se passent rue Léonie. Ah, bah ! Parfaitement. Et leurs altesses, c'est une petite boulotte, d'un cocasse. Je ne lui ai rien dit, mais il sait que je l'ai vu sortir de la maison. Et maintenant, il n'ose plus me faire faire sa malle, ni choisir ses plus beaux effets devant moi, ni nous raconter à table les paroles que les princes daignent lui adresser. Enfin, c'est à tel point que ma tante craint que les princes ne soient en froid avec mon oncle. Ah, l'oncle fait de ces farces-là. Oui. Et les princes ont un excellent prétexte à choisir. Ils n'écrivent pas à cause de la police. Nous n'écrivons pas toujours à cause de la police. Veux-tu que nous repartions ? Tu sais, je te permets, quand on nous poussera, de m'embrasser derrière l'oreille, à la petite place. Mais fais ça adroitement, au moins, que ça n'ait pas l'air. » Il s'éloigne en valsant, et Jacques sort de sa cachette. Ses idées sur Mademoiselle de Nanterre sont considérablement modifiées. Fin de la section 29.